الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى بهجة القاري بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc, on est arrivé au hadith numéro 10 aujourd'hui dans le chapitre de Al-Atisam de l'imam al-Bukhari. Et le hadith que le cheikh il a choisi, c'est le hadith suivant. حدثني إسماعيل حدثني وهب قال البخاري رحمه الله حدثني إسماعيل حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. Donc ça c'est le hadith. On va traduire maintenant ce hadith inshallah dans sa signification. Et le hadith il mentionne que premièrement il y a la chaîne de transmission qui va jusqu'à Abdullah ibn Abbas. Et dans la chaîne de transmission, c'est rapporté, donc Al-Bukhari, il dit que Ismaïl m'a dit, ou il m'a transmis que, Ibn Wahm m'a transmis que Yunus, selon Yunus, selon Shihab, qui m'a informé que Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah, lui a dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badrin est venu chez son cousin, ou bien plutôt son, c'est ça, le fils de son frère, c'est-à-dire le fils de son frère, c'est son cousin Al-Hur ibn Qais ibn Hisn, et il faisait partie des gens que Omar ibn Khattab rapprochait de lui. Faisait partie des gens que Omar ibn al-Khattab rapprochait de lui, parce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait dans son conseil des gens qu'il rapprochait de lui parmi les gens qui avaient de la science, parmi les savants. Et il dit que ce soit des vieux ou des jeunes, il les rapprochait si c'était des gens qui avaient de la connaissance de la religion. Alors Uyayna, il a dit à son frère, ou bien au fils de son frère plutôt, son cousin, Il lui a dit: Oh, fils de mon frère, oh mon cousin, est-ce qu'il y aurait un moyen pour que tu me laisses, avoir la permission pour que je puisse entrer chez l'amir, c'est-à-dire chez Omar ibn al-Khattab. Alors, yani son cousin qui est Al-Hur ibn Qays, il a dit: D'accord, je vais demander la permission pour toi. Alors, Abdullah ibn Abbas, il dit que Al-Hur a demandé la permission pour Uyayna. Alors, il est rentré et il a dit: Oh, toi, Ibn al-Khattab, par Allah, tu ne juges pas entre nous avec justice. Alors, Omar ibn al-Khattab, il s'est fâché. Il a même eu envie de le frapper à ce moment-là, tellement il était fâché. Donc, Al-Hur, le cousin de Uyayna, a dit: Ô Amir al-Mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète dans le Coran, dans le verset 199, dans Sourate Al-A'raf: Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande le convenable et éloigne-toi des ignorants. Et donc ici, c'est-à-dire, yani, éloigne-toi des ignorants, en voulant dire, celui-là, il fait partie des ignorants. Donc, par Allah, Omar ibn al-Khattab, il a entendu ce verset qui lui était récité et il ne l'a pas dépassé. Et il s'arrêtait, au livre d'Allah. Il s'arrêtait au livre d'Allah. Et quand on dit il s'arrêtait au livre d'Allah, c'est-à-dire que si on lui mentionnait un verset de Coran dans lequel il y avait un ordre ou une interdiction, il s'abstenait automatiquement, il arrêtait ce qu'il faisait. Il n'allait pas continuer ou faire quoi que ce soit de ce qui contredit le livre d'Allah. Donc, le hadith ici, le cheikh Rabi, il l'explique. Premièrement, il dit, Ismaïl, donc il parle des narrateurs dans cette chaîne de transmission. Donc, Al-Bukhari, il rapporte de Ismaïl. Et Ismaïl, c'est qui? C'est Ibn Abi Uwais. Ismaïl Ibn Abi Uwais. Et il fait partie des proches de l'imam Malik. Ou bien il fait partie des proches de Malik. Donc, c'est Ismaïl Ibn Abi Uwais, min Aqriba Malik. Ou Abdullah Ibn Wahb, min Ulama Misr, wa Muhaddithiha. Ou Yunus هو ابن يزيد الأيلي من كبار أصحاب الزهري وابن شهاب هو الزهري وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن أخي عبد الله ابن مسعود وهذا عيينة ابن حصن كان من الرؤساء وكان من أشراف قومه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالأحمق المطاع ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهزم هوازن في حين قام بقسم الغنائم فكان ممن فضلهم في العطاء من كبار رؤوس العشائر يتألفهم لا لأنهم إذا أسلموا دخل قومهم اتباعا لهم في الإسلام وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاته للمصالح والله تبارك وتعالى جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة وفي الغنائم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء سخيا كما أعطى الأقرع ابن حابس وأبا سفيان وغيرهم يتألفهم على الإسلام لا لمصلحته الشخصية فقد نزهه الله عن ذلك وفي هذا اليوم اعترض عليه ذو الخويصرة وبين صلى الله عليه وسلم حاله وحذر ممن سيأتي على منهجه فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين Donc ici le cheikh il explique comme j'ai dit que Ismaïl, celui qui rapporte de l'imam al-Bukhari ou celui dont l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith, il rapporte de Ismaïl, c'est Ibn Abi Uwais et il fait partie des proches de l'imam Malik. Ensuite, il dit que Abdullah ibn Wahb, il fait partie des savants de l'Égypte et des ulama de hadith de l'Égypte. Et ensuite, dans la chaîne de transmission, le troisième, c'est Yunus. Et c'est Ibn Yazid al-Ayli. Et il fait partie des grands compagnons de l'imam al-Zuhri, qui rapporte justement de Ibn Shihab. Et Ibn Shihab, c'est l'imam al-Zuhri, qui rapporte lui-même de Ubaydillah, Ibn Abdillah, Ibn Utba, Ibn Mas'ud. Et Utba ibn Mas'ud, c'est yani le cousin de Abdullah ibn Mas'ud. Donc, ce Uyayna ibn Hisn, dont on parle dans ce hadith, il faisait en réalité partie des chefs ou des têtes parmi les nobles de sa tribu ou de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Al-Ahmaq al-Muta'a. Al-Ahmaq al-Muta'a, ça veut dire quoi? Al-Ahmaq, Ahmaq, ça veut dire quelqu'un qui est stupide, quelqu'un qui est idiot. Et Al-Muta'a, ça veut dire, yani, quelqu'un qui est obéi. Hein? Quelqu'un qui est obéi dans le sens que c'est un chef dans sa tribu. Donc, il l'a appelé le chef idiot. Hein? Ou l'idiot qui est obéi. Donc, le cheikh, il explique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque et que après ils sont partis combattre la tribu de Hawazin et que la tribu de Hawazin a été battue, les butins ont été distribués à ce moment-là. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué les butins et yani, il a donné à certaines personnes parmi les têtes et les chefs des différentes familles et des différentes tribus dans le but de les rapprocher à l'islam, dans le but de les rapprocher de l'islam et de faire en sorte qu'ils acceptent de se convertir à l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça dans le but que si ces gens-là se convertissent, si ces chefs de tribu et ces chefs de famille, des grandes familles de la Mecque, se convertissent à l'islam, eh bien, ça veut dire que tous les autres membres de cette famille et de cette tribu vont se convertir avec eux. Parce qu'à l'époque, les gens, ils avaient quand même un respect pour leur responsable ou pour leur chef. Et lorsque le chef lui-même faisait le choix, une décision comme ça d'accepter une voie ou une religion ou de choisir un chemin, eh bien, la famille entière, elle acceptait avec lui. Hein? Ils se convertissaient tous ensemble. Ça, c'est en grande partie, c'était souvent comme ça, même s'il y a des exceptions à ça, mais c'est souvent le cas. Alors, le cheikh, il explique que ça faisait partie de la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah. Et il tenait compte donc des intérêts de la religion d'Allah et des bienfaits pour l'islam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on ait le droit de donner de la zakat et qu'on ait le droit également de donner des butins à ceux que Allah a appelé dans le Coran justement al-mu'allafatu qulubuhum. Dans le verset dans sourate At-Tawbah, je crois que c'est le verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-'amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum. Wal-mu'allafati qulubuhum, c'est-à-dire ceux dont on veut yani attirer le cœur, ceux qu'on veut rapprocher le cœur, parce que c'est des gens qui yani sont disons intéressés à l'islam. Donc après, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc donné une bonne part, hein, du butin, et il a donné à d'autres également parmi les têtes de la Mecque comme Al-Aqra ibn Habis et Abu Sufyan et d'autres également, pour les attirer à l'islam et pour les amener à se convertir à l'islam. et non pas pour un intérêt personnel. Et c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce genre d'intérêt personnel, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il fait tout ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour une sagesse qui amène du bien pour la religion d'Allah et non pas pour ses intérêts à lui. Et donc il y a un des égarés parmi les munafiqin justement à ce moment-là qui est Dhul Khuwaysira, dont on a parlé déjà, qui était justement l'origine des Khawarij, hein, qui s'est objecté à cette distribution des butins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce jour-là, hein. Et justement, yani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clarifié sa situation et son état, il a mis en garde contre lui à ce moment-là. Et il a dit à son sujet et au sujet des Khawarij, hein, ce qui est célèbre et qui est mentionné justement dans le Sahih de l'imam Muslim et de l'imam Al-Bukhari et dans d'autres également. Il a dit: de cet homme va sortir des gens qui vont réciter le livre d'Allah, mais sans que cela ne dépasse leur gorge. Et ils vont sortir de la religion comme une flèche sort de la proie une fois qu'elle l'a traversée. C'est-à-dire, c'est pour exprimer la rapidité et la force, hein, avec laquelle ils vont rentrer et comment ils vont sortir de l'islam aussi vite qu'ils en sont rentrés. Allah al-musta'an. Ensuite, Cheikh Rabi' hafizallah, il dit: وَجَاءَ عُيَيْنَا ابْنُ حِسْنٍ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ ابْنُ قَيْسٍ وَكَانَ مُقِيمًا فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ كما وصفه ابن عباس رضي الله عنهما من جلساء عمر رضي الله عنه ومن مستشاريه. وكان عمر رضي الله عنه يقرب القراء الذين هم العلماء العباد سواء كانوا شبانا أو كهولا. وكان المعول في الاستشارة في أمور المسلمين وما ينوبهم من أحداث على أهل العلم وأهل الصدق والتقى والعبادة. وما اختلت أمور المسلمين إلا لما أصبحت البطانات من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحده عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى. فعلى المسؤولين عن هذه الأمة جميعا أن يكونوا من أهل التقوى ويتقوا الله تبارك وتعالى وأن تكون بطانتهم من أهل التقوى والدين والورع. فالديمقراطية لا تأتي بمثل هؤلاء ولا غيرها مما يخالف منهج السلف. فعلى الأمير المسلم أن يراعي أمور المسلمين فإنه مؤتمن عليها، وأن يبتعد عن غشهم وظلمهم وعما يوقعهم في الهلاك. Donc ici le Cheikh Rabi حفظه الله il explique que Uyayna ibn Hisn est venu voir son cousin Al-Hur ibn Qais. Et Al-Hur ibn Qais, lui, il était installé à Médine. Il habitait à Médine. Et comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, l'a décrit, il faisait partie des rapprochés de Omar ibn al-Khattab et de ses conseillers. Et Omar, radiyallahu anhu, il essayait toujours de rapprocher près de lui parmi ses conseillers, des gens qui sont parmi les savants, parmi les adorateurs et les savants, qu'ils soient jeunes ou vieux. Et, yani, pourquoi? Parce que, yani, dans des situations où, yani, les musulmans ont besoin justement de conseillers, hein, les dirigeants ont besoin de conseillers. Alors, yani, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il cherchait toujours à faire en sorte que ce soit des gens qui font partie des gens de science, des gens de sincérité, des gens de piété et des gens d'adoration qui soient auprès de lui pour l'aider et pour le conseiller dans la gestion des affaires des musulmans et de la Oumma. Et il dit, et lorsque les musulmans, les affaires des musulmans ont commencé à se détériorer, eh bien, c'est uniquement parce que les dirigeants ont commencé à prendre comme conseillers des gens du mal, hein, des gens mauvais. Et il cite ensuite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et ce hadith-là, il dit que Allah n'a pas envoyé de prophète et il n'a pas non plus fait succéder un successeur, hein, ou un khalifa, excepté qu'il avait deux types de conseillers. Un type de conseiller qui lui ordonne le bien et qui l'incite à faire le bien, et un autre type de conseiller qui lui ordonne le mal et qui l'encourage à le faire, à faire le mal. Et celui qui est protégé, c'est celui que Allah a protégé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a envoyé chaque prophète et chaque dirigeant avec des gens qui les entourent. Et ensuite, le cheikh, donc, il explique maintenant que les responsables de la Oumma, hein, tous les responsables de la Oumma, hein, ils doivent faire en sorte que les gens qui soient autour d'eux soient des gens de piété, qui ont de la piété et qui se préservent d'Allah. Et donc, ils doivent chercher des proches, des conseillers, des gens qui sont proches d'eux pour faire partie de leurs conseillers, mais de les choisir parmi les gens qui ont at-taqwa, qui ont de la religion, qui ont de la piété, qui s'éloignent de ce qui est haram. Hein? Et si on regarde par exemple la démocratie, par exemple, et les valeurs démocratiques, eh bien ça ne nous donne pas de ce genre de conseiller là, malheureusement. Hein? C'est-à-dire les conseillers qui sont influencés par les idées démocratiques et les valeurs démocratiques, eh bien, ils ne sont pas des gens qui, en général, incitent les dirigeants à la piété ou qui incitent les dirigeants au bien, malheureusement. Donc, ni les démocrates, ni les laïcs, ni les communistes, ni les socialistes, ni les matérialistes, ou tous ces différents groupes de mécréants, ne peuvent conseiller les dirigeants de manière convenable selon les principes de l'islam. Et le cheikh, il dit ensuite que ces gens-là, ou n'importe quel autre parmi ceux qui ont contredit la voie des salafs, ne peuvent conseiller les dirigeants de façon correcte. Et donc le dirigeant, il doit faire en sorte de bien s'occuper des affaires des musulmans parce qu'il est responsable et il a une amana, il a ce dépôt que Allah lui a donné et il va être questionné au jour de la résurrection par rapport à cette responsabilité-là et donc il doit s'éloigner au maximum de faire toutes sortes de faire tout, n'importe quelle sorte de tricherie ou de trahison ou d'injustice aux musulmans ou n'importe quelle autre chose qui pourrait les faire tomber dans la perdition. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Et quand on dit que les conseillers doivent être sur le manhaj des salafs, il faut pas, par exemple, penser que le fait qu'on soit sur la voie des salafs, ça signifie que quelqu'un doit nécessairement être parmi les savants ou qu'il dans le sens qu'ils doivent être tous des savants de la religion seulement ou bien nécessairement des gens qui sont extrêmement pieux et qui ne font pas de fautes ou ne font pas d'erreurs. Non, parce que tous les musulmans peuvent commettre des péchés, tous les musulmans peuvent faire des erreurs. L'important c'est que le dirigeant, il a besoin de conseillers. Il y a des gens qui vont le conseiller dans différents domaines. Que ce soit des conseillers qui soient, par exemple, des commerçants ou des gens qui sont des hommes d'affaires ou des gens qui sont des personnes qui ont de la connaissance. Il y en a, par exemple, des ingénieurs ou des médecins ou n'importe quel, dans n'importe quel différent domaine, des spécialistes dans les différentes questions. Et qu'ils soient salafis, hein. Il y a pas de, il y a, c'est-à-dire que ça veut pas dire que quelqu'un il est spécialiste dans un domaine différent que il peut pas être salafi. C'est ça que je veux faire comprendre en fait, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent parfois que d'être salafi ça veut dire que tu dois absolument être un savant de la religion. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que la salafia c'est pour tous les musulmans et pour tous les niveaux de piété et pour tous les niveaux de connaissances également de différents domaines. Donc tu peux être un boulanger puis être salafi. Tu peux être un mécanicien, réparer des voitures puis t'es salafi. Tu peux être un architecte puis t'es salafi. Tu peux être un peintre, hein, qui fait qui peint les maisons ou les choses comme ça puis tu es salafi. Hein. Tu peux être un menuisier et t'es salafi. Donc, ça veut dire que être salafi, ça veut dire que tu acceptes la aqida et le manhaj des salaf et tu le suis selon le niveau de ta connaissance. Hein? C'est ça que ça veut dire. À la kulli hal, les dirigeants doivent s'entourer de gens qui ont un bon manhaj et une bonne aqida, peu importe le domaine de leur expertise. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wadakhala Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu. » وكان من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عبيد الله بن زياد فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء إن شر الرعاء الحطمة فإياكم أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل كانت له نخال هل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Donc ici, le cheikh, il explique et il dit donc que Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu, qui faisait partie des pieux parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré voir Ubaydillah ibn Ziyad, qui était un dirigeant. Hein, et il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, que le pire des bergers, hein, le pire des bergers, c'est celui qui leur fait qui fait à ses moutons de l'injustice, en voulant dire que le pire des dirigeants, c'est celui qui est injuste et qui n'est pas miséricordieux envers sa population. Alors il a dit, ne sois pas parmi eux, c'est-à-dire ne sois pas un d'entre eux. C'est-à-dire un des injustes qui fait du tort à sa population. Alors, Ubaydillah, il lui a dit, assis-toi. Il dit, parce que toi, tu es parmi en voulant dire ceux qui sont parmi les petits, hein, les moins importants ou les moins bons parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il lui a répondu en disant, et est-ce qu'il y en a parmi les sahaba qui ne sont pas bons, qui ne font pas partie des meilleurs? Il dit, les gens qui sont moins bons ou qui ne sont pas bons, ils sont venus après les sahaba. Ils ne font pas partie d'eux. Naam. Donc c'est dans ce sens-là. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَالشَّاهِدُ أَنَّ الْقُرَّاءَ الَّذِينَ هُمُ الْعُلَمَاءَ الْعُبَادَ الصَّالِحُونَ الْأُمَنَاءَ الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الْحَقِّ وما ينفع الأمة ويجنبها الشر كانوا هم أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته فلا فرق بين الشاب عنده وبين الكهل. وكان الشباب في عهده كانوا نابغين، لا يسمع أحدهم شيئا إلا حفظه وعمل به، في حين أن اليوم الغالب على الشباب الطيش والجهل مع الأسف الشديد، ولا يعقل الشباب ولا يبصرهم إلا العناية بعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ الأخلاق منهما. فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدا من كتاب الله. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، والله تعالى شهد له أنه على خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Donc il dit, qu'est-ce qu'on veut dire de, par ce hadith qu'on vient de mentionner? C'est que les savants, ce sont les ulama, hein, les qurras, ce sont les ulama, les adorateurs, les pieux, les gens honnêtes et fiables. Et ce sont ceux qui recherchent avec beaucoup d'efforts, hein, la vérité. Et donc la umma profite beaucoup de ceux-là. Et yani, ils font beaucoup d'efforts pour écarter le mal de la umma. Et donc ils étaient parmi les compagnons de conseil de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et parmi ses conseillers. Et pour Omar ibn al-Khattab, il n'y avait pas de différence entre les jeunes et les vieux, du moment que c'était des gens qui étaient sur la science et sur la quête du savoir, hein. Et les jeunes à l'époque de Omar radiyallahu anhu, c'était des gens qui étaient yani sérieux. Hein, c'était des gens qui étaient sérieux et intelligents. C'était des jeunes qui appliquaient et qui mémorisaient ce qu'ils apprenaient et ce qu'ils entendaient. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes, hein, ils sont, disons, un peu perdus. Et ils sont très ignorants, hein, en grande partie, malheureusement. Et ils ne réfléchissent pas. Donc, il n'y a rien qui peut faire comprendre aux jeunes, hein, comment adopter justement les bonnes manières et le bon comportement, excepté le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre le comportement de ces deux références-là et de ces deux sources du Coran et de la sunna. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, son comportement était tiré du livre d'Allah. Et lorsque Aïcha radiallahu anha a été justement questionnée à propos du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu en disant: son comportement c'était le Coran, hein? Et yani Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné dans le Coran qu'il avait certes un comportement noble et immense, hein? un grand comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Abi Huraira: je n'ai été envoyé que pour compléter le plus pieux et le plus vertueux des comportements. Il dit ensuite: wa kana Uyayna ibn Hisn qad aslama fi hayat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama ashart wa lamma ja'at ar-ridda كان ممن ارتد وتابع تليحة الأسد حينما تنبأ. ولما زحفت جيوش الإسلام على المرتدين فر تليحة وأسر عيينة بن حصن، وجيء به إلى أبي بكر فاستتابه فتاب فقبل توبته. وكانت له تصرفات ومواقف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان عمر يكرهه، وقد طلب من أبي بكر أرضا يقطعها له، فكتب له أبو بكر تلك الأرض وأعطاه إياها، فخرج فاستقبله عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من عند أبي بكر. فقال: ما الذي كتب لك؟ فأعطاه الكتاب، فأخذه عمر وقطعه وقال: إنما أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم تألفا. أما الآن فقد أغنانا الله فرجع إلى أبي بكر فقال من الأمير أنت أم عمر فقال عمر وكانت لعيينة هذا وكانت لعيينة هذا حاجة عند عمر فتوسط بابن أخيه الحر بن قيس فقال يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال فاستأذن له أو قال سأستأذن لك عليه وكان عمر ليس له حجاب يدخل عليه من شاء في وقت عمله ولكن في وقت راحته قد يتخذ حجابا أو حاجبا فلا يدخل عليه إلا بإذنه فلا يدخل عليه أحد إلا بإذنه فهذا عيينة طلب يعني خلوة بأمير المؤمنين ولا يعلم عمر ماذا يريد ولا ابن أخيه الحر فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل وهذا بخلاف ما عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمر كان يعطي الجزل ويحكم بالعدل فمن قرأ سيرة عمر رضي الله عنه عرف ذلك فحين تقرأ سيرته فكأنما تقرأ لنبي ومن صفاته أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وذلك لقوة تمسكه وعدله وثباته وقوته في الحق رضي الله عنه وفي حديث فيه ضعف شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بموسى ونوح عليهما السلام وشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى عليهما السلام. Okay, on va traduire donc ce passage là. Ici, le cheikh, il explique que Uyayna ibn Hassan, il s'était converti à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsque l'apostasie est venue, lorsque beaucoup d'Arabes sont sortis, ont quitté l'islam, ils ont apostasié. Eh bien, lui, Uyayna, il a apostasié et il a suivi un faux prophète, Tulayhat al-Asadi. Puis, lorsque les armées de l'islam ont attaqué, ont combattu, écrasé les apostats, eh bien, Tulayha, lui, il s'est enfui. Tulayha, le faux prophète, il s'est enfui. Et Uyayna a été pris prisonnier. On l'a ramené à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, l'a appelé à se repentir. Et il s'est repenti. Et Abu Bakr a accepté sa repentance. Puis il a eu certaines positions, certaines attitudes à l'époque de Abu Bakr. Et Omar, lui, il le détestait. Hein, il ne l'aimait pas. Alors, à l'époque, il avait demandé une terre à Abu Bakr. Et Abu Bakr lui a écrit, hein, lui a donné cette part de terre qu'il voulait. Alors il est parti. Il a quitté Abu Bakr et il s'en allait. Et en chemin, Omar ibn al-Khattab l'a rencontré. Et il lui a dit, d'où est-ce que tu viens? Il a dit, j'étais allé voir Abu Bakr. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a écrit? Il a dit, il m'a écrit un papier pour une terre. Alors il lui a donné la feuille ou le papier sur lequel il lui avait écrit le, le don de la terre qu'il avait pris. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a pris et il l'a coupé, hein? Il l'a déchiré. Alors il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'avait uniquement donné pour te rapprocher. Mais maintenant, Allah nous a enrichi, en voulant dire, on n'a plus besoin de donner aux gens pour les rapprocher, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, yani, c'est-à-dire maintenant la umma elle est grande, on n'a pas besoin de donner à des gens pour les rapprocher, c'est plus comme avant. Et donc il est retourné vers Abu Bakr et lui a dit, c'est qui le amir maintenant, toi ou Omar? Alors il a dit, c'est Omar. Donc Abu Bakr a dit, c'est Omar. En tout cas, tout ça pour dire que Uyayna, déjà, Abu Bakr, il avait, Omar, il avait pas tellement une bonne relation avec cet homme. Et donc, Uyayna, il avait un besoin, il voulait demander quelque chose à Omar. Alors, il a demandé à son cousin, Al-Hur ibn Qais, hein, d'intercéder pour lui ou bien de l'aider à pouvoir justement avoir une rencontre privée avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Alors, Omar, lui, à la base, il avait pas qu'est-ce qu'on appelle des hujjab. Hujjab, c'est quoi? C'est des gardes qui empêchent les gens de venir lui parler. Donc, il n'avait pas des gardiens ou des gardes qui empêchent les gens pour qu'ils puissent venir lui parler. Les gens pouvaient directement aller le voir à n'importe quel moment quand ils veulent lui parler. Sauf que, dans les moments de repos, quand ils voulaient se reposer, parfois, il prenait des gardes, hein, pour pouvoir empêcher les gens de venir à lui à ce moment-là. Alors, personne ne rentrait excepté celui à qui il donnait la permission. Et donc, à ce moment-là, donc Uyayna, hein, il a demandé à son cousin donc de demander la permission à Omar ibn al-Khattab pour pouvoir rentrer et avoir une rencontre privée avec lui. Alors, ni Omar savait ce qu'il voulait, ni son cousin ne savait ce qu'il voulait. Alors quand il est rentré, il a parlé, il a dit, oh Ibn al-Khattab, toi tu ne nous donnes rien et tu juges pas entre nous avec justice. Hein? Et ça c'est le contraire de la réalité. Parce que Omar s'est connu qu'il était généreux, il donnait beaucoup. Et en même temps aussi, il était juste. Et quand on lit par exemple sa biographie, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, a mentionné des caractéristiques de Omar. Il l'a décrit en disant que s'il passait dans une voie ou dans un chemin, le shaitan prenait une autre voie que lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il devait y avoir un prophète avant moi, hein, il dit, après moi, il n'y a pas de prophète, mais s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad et al-Tirmidhi, selon Uqba ibn Amir. Donc, il a dit, il n'y a pas de prophète après moi, mais s'il devait y en avoir un, ce serait Omar ibn al-Khattab. Et l'autre hadith aussi qu'il a mentionné, il a dit, hein, c'est que Allah a mis la vérité sur la langue de Omar et sur son cœur. Et ça, c'est rapporté par Ahmad et al-Tirmidhi également, et c'est selon Abdullah ibn Omar. Donc, tout ça, c'est pour mentionner, en fait, des caractéristiques de Omar et pour indiquer à quel point il était fort dans son accrochement et dans sa justice et dans sa fermeté. Et il était fort sur la vérité. Et donc, dans un autre hadith dans lequel il y a une faiblesse par rapport à l'authenticité, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait comparé même Omar à Moussa et à Nuh, tandis qu'il a comparé Abu Bakr à Ibrahim et à Isa alayhim as-salam. Donc tout ça c'est pour montrer à quel point Omar ibn al-Khattab avait des belles qualités et qu'il s'accrochait au Coran et à la Sunna et qu'il était fort dans la vérité. Ensuite, il explique, le cheikh, il dit, وَقَالَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم يعني حتى هم بأن يقع نعم هم بأن يقع به. عمر رضي الله عنه كانت عنده درة يؤدب بها من يخالف من العصاة، فأراد أن يضربه، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. انظر هنا خطاب الحر الفقيه العابد يعني وخطاب عمه. فالثاني قال: هل لك وجه عند هذا الأمير؟ يعني وعندما دخل قال: يا ابن الخطاب، ولم يقل يا أمير المؤمنين. وكبار الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وغيرهم يتأدبون مع عمر ولا يخاطبونه إلا بيا أمير المؤمنين، فهذا من الأدب. Donc ici le cheikh il explique que يعني lorsqu'il est rentré Uyayna il est rentré voir Omar ibn al-Khattab et il a dit directement: ô toi ibn al-Khattab, par Allah, tu n'es pas généreux, tu ne nous donnes pas et tu ne juges pas avec justice. Alors Omar il s'est fâché, il a voulu le frapper. Parce que des fois, quand il y avait des gens qui faisaient des bêtises ou des péchés qui venaient, lui, Omar ibn al-Khattab, il les frappait avec son bâton. Et Al-Hur, il a dit, en fait, Ibn Akhi, c'était pas son cousin, en fait. Je dis son cousin, c'est son neveu, parce que c'est le fils de son frère. Donc, Al-Hur, c'était son neveu, le neveu de Uyayna. Il a dit, donc c'est ça, il a dit: est-ce que tu pourrais me donner une rencontre avec Amir al-Mu'minin? Alors, Al-Hur est allé voir Omar ibn al-Khattab, il lui a dit: ya Amir al-Mu'minin. Non, plutôt, ça c'est après quand il est rentré et il a dit: ya Ibn al-Khattab. Il dit: par Allah, tu n'es pas généreux, tu ne nous donnes pas et tu ne juges pas avec justice. Alors, Omar était fâché, il voulait le frapper. Et Al-Hur, à ce moment-là, il a dit: ya Amir al-Mu'minin. Allah, il dit dans le Coran, il fait miséricorde et pardonne. Écarte-toi des ignorants. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a dit: ça, cet homme-là, rien ne fait partie des ignorants. Alors, écarte-toi de lui, ne le frappe pas. Alors, il dit à ce moment-là, Omar il n'a même pas dépassé le verset, il s'est arrêté direct, parce qu'il s'arrêtait au livre d'Allah. Et il dit le cheikh: regardez comment, quand Uyayna s'est adressé à son neveu, qui était un savant, qui était quelqu'un qui était un adorateur d'Allah, un adorateur d'Allah, c'est-à-dire quelqu'un qui avait de la science et qui avait du ilm. Et son oncle lui a dit: est-ce que tu pourrais me faire rentrer chez cet amir? Il a dit Al-Amir. Mais quand il est rentré chez Omar ibn al-Khattab directement, il a même pas dit ya Amir al-Mu'minin. Il a dit ya Ibn al-Khattab, directement au fils de Khattab. Comme si même le cheikh dit, même les grands parmi les sahaba, comme Abdurrahman ibn Auf, Uthman et d'autres, ils ont du respect. Et quand ils s'adressent à Omar, ils disent ya Amir al-Mu'minin, par respect. Donc lui, il est rentré direct. Sans respect. Ya Ibn al-Khattab, comme ça. Alors le cheikh dit: wa qala al-hur ya amir al-mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam: khudh al-'afwa wa'mur bil-'urf wa'rid 'an al-jahilin, wa inna hadha min al-jahilin. Fa wallahi ma jawazaha 'Umar hina talaha 'alayhi وكان وقافا عند كتاب الله عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. الآن لا يوجد هذا الصنف من الناس إلا ما شاء الله، حتى أقلهم منزلة تقرأ عليه القرآن وتقرأ عليه السنة فما يستجيب. لكن عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولما سمع الآية سكتت عنه ثورة الغضب ووقف عند الآية ولم يتجاوزها، بل عمل بمقتضاها وهو العفو والصفح والإعراض عن الجاهلين، فعفى وصفح وصفح وأعرض عنه. وزاده ابن عمر رضي الله عنهما شهادة بأنه كان وقافا لا في هذه الحادثة فحسب، بل في حياته كلها كان وقافا عند كتاب الله لا يتجاوز نصوصه. وهذه شهادة عظيمة وصادقة من عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإن عمر رضي الله عنه والله لكذلك، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكذلك رضي الله عنهم، وإن تفاوتوا في الفضل وفي هذا الوقوف عند كتاب الله. يعني donc le cheikh il explique que Al-Hur, il lui a dit donc son neveu, il lui a dit l'amir de Uyayna, Al-Hur ibn Qays, il a dit amir al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset khudh al-af, pardonne et ordonne ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et lui, il fait partie des ignorants. Alors, il n'a rien fait. Il s'est arrêté direct, aussitôt qu'on lui a récité le verset. Et Omar ibn al-Khattab, il s'arrêtait au livre d'Allah quand on lui citait. Que Allah soit satisfait de lui et qu'il soit satisfait d'Allah. Et maintenant, il dit, tu ne trouves plus cette catégorie parmi les gens, excepté ceux que Allah a voulu. Mais sinon, la plupart des gens, même ceux qui ont le plus bas degré, si tu leur récites le verset dans le Coran ou tu lui mentionnes le hadith, dans qu'est-ce qui est recommandé, tu vois que ils vont pas s'arrêter de faire quoi que ce soit. Tandis que Omar radiallahu anhu, c'était le amir de la Umma. Amir al-Mu'minin, et malgré son statut, son degré, lorsqu'il entendait le verset, tout de suite, il calmait sa colère et il s'arrêtait. Il ne dépassait pas le verset. Et il agissait selon ce que le verset implique. Et il pardonnait, et c'est ce qu'il a fait. Il a pardonné et il s'est détourné de l'ignorant. Il lui a pardonné, il l'a excusé et il s'est détourné de lui. Et Abdullah ibn Abbas, il a ajouté dans le hadith son témoignage justement du fait que Omar ibn al-Khattab, il s'arrêtait au livre d'Allah. Et c'est pas seulement dans cette occasion-là ou à cet événement-là, mais dans toute sa vie, dans toutes les situations de sa vie, il s'arrêtait au livre d'Allah. Il ne dépassait jamais les textes de la révélation d'Allah. Et donc ça, c'est un grand témoignage et c'est une parole véridique de la part de Abdullah ibn Abbas. Et il dit que même c'est pas seulement Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui était ainsi, et tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient ainsi, et même s'ils étaient à des niveaux degrés, à des degrés différents de mérite, et disons ils avaient des mérites différents, mais ils étaient tous parmi ceux qui s'arrêtent au livre d'Allah. Et le cheikh, il termine ce hadith-là en disant يجب على كل مسلم مخلص أن يكون وقافا عند كتاب الله في كل ميدان من ميادين الحياة، سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب، خاصة إذا تليت عليه الآيات، ولا يكون من الذين إذا ذكر لا يذكرون. قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهذه من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم يستيقظون وأسماعهم يعني مرهفة لسماع كتاب الله وقلوبهم مفتوحة مفتوحة لهم يعني مفتوحة لفهم كتاب الله وفقهه ووعيه وهم على أتم الاستعداد للعمل بما يسمعون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا غفل أحدهم ثم ذكر بآيات الله استقبل ذلك بصدر رحب والسماع المطيع المنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى ولنا في رسول الله أسوة حسنة ولنا في هذه الخليفة الراشد أسوة حسنة قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وجعلنا الله وإياكم من الواقفين عند كتابه ومن المتمسكين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ici le cheikh il termine donc l'explication, il dit qu'il est obligatoire à tout musulman sincère de s'arrêter au livre d'Allah dans tous les domaines, dans toutes les différentes parties de la vie, peu importe que ce soit dans une situation de satisfaction ou une situation de colère. Et lorsqu'on leur récite les versets, ils ne font pas partie de ceux qui, lorsqu'on leur rappelle, ils ne se rappellent pas. Hein? Et ils citent le verset dans Sourate Al-Furqan, dans le verset 73, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ce qui signifie et qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Donc ça, c'est les caractéristiques des serviteurs de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, que lorsqu'ils sont rappelés des versets de leur Seigneur, ils se réveillent et leurs oreilles entendent, est réveillé et leur cœur est ouvert à la compréhension du livre d'Allah et à sa compréhension et à la réflexion et ainsi de suite. Et donc il dit, et ils sont complètement prêts à mettre en pratique ce qu'ils entendent du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'un d'entre eux est insouciant, puis qu'on lui rappelle des signes d'Allah, eh bien, ils acceptent cela avec un cœur ouvert, un cœur accueillant et une oui qui est obéissante, qui se soumet au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dans la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre, et c'est pour cette raison là que nous avons également dans l'exemple des khulafa ar-rashidin et dans ce khalifa Omar ibn al-Khattab également un exemple à suivre aussi qui est très bon pour nous, et même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et par At-Tirmidhi selon Huzaifa radiyallahu anhu qu'il a dit prenez comme exemple les deux après moi, Abu Bakr et Omar. Et il a dit également dans un autre hadith, vous allez voir beaucoup de divergences après moi. Celui qui vit parmi vous verra beaucoup de divergences. Celui qui vit parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ce que vous connaissez de ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Et on demande donc à Allah qu'il fasse que nous soyons, ainsi que nous-mêmes et vous-mêmes, parmi ceux qui s'arrêtent au livre d'Allah et qui s'y accrochent, qui s'accrochent à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, notre Seigneur exauce les invocations